Quand la visibilité est réduite à cause des circonstances atmosphériques défavorables, je suis tenu de faire usage des feux de croisement afin de mieux voir et d'être vu. Je n'ai pas le droit de circuler avec les seuls feux de position qui sont insuffisants pour être vus des autres usagers. Les feux de route, quant à eux, sont inefficaces dans de telles conditions de conduite. Ici, le temps est à la pluie et la visibilité reste réduite. D'autres averses peuvent arriver. Je conserve les feux de croisement allumés. Réponse B.